du bat balzak, doku izan ekrame, kopuñak notaita, doku izan balime, halba anietriki, zemame itxare, izname zizketxiki, bieldolo. Eh ben, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 100e épisode de Allo Extra Nouveau. Salut Souris. Eh ben, salut Milky, salut tout le monde. Bah ouais, le 100e déjà quoi, incroyable. Hein. Ouais, c'est ouf, hein. Genre, Bah j'en reviens toujours pas. ben moi non plus. Ouais. Du coup, là, on est parti pour 2 heures. Ouais, Eh ouais, ouais, eh ouais. Bon courage. on en abat du travail, hein. C'est ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a préparé une playlist d'une quarantaine de morceaux. On a plus ou moins un morceau, enfin un ou deux morceaux par pays. C'est ça, hein, qu'on a fait. Ouais, puis il y a pour certains pays, on a un peu craqué le sac par contre, quoi. Ouais. On s'est Ouais, un mais peu bon, c'est lâché, normal. on en a mis pas mal. Et honnêtement, de toute manière, en général, choisir les morceaux pour chaque pays, ça a été super dur, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, mais le numéro 50 de Allo Extra Nouveau, c'était concomitant au déclenchement de la guerre en Ukraine. Et au moment où on enregistre cette émission, eh ben, on a failli avoir un nouveau rebondissement, mais finalement, non. Oui, Du ouais, coup, le bah, voilà. il y a la baudruche qui s'est dégonflée là. C'est ça, le fameux convoi. Bon, après, je pense que quand même, c'est que le début d'un sacré bordel qui s'annonce. Ouais, à suivre aussi là, les épisodes. Hein. Je pense C'est clair. que Ouais. on est loin d'avoir fini là. En tout cas, a priori, ça se termine en Biélorussie et on commence par où? Par le Bélarus. Voilà, c'est ça. Donc avec du classique hein, on va dire qu'on a joué quand même bien souvent. Ouais, c'est clair. On était obligé Ouais. de les mettre, ceux-là. Hein. Bah, c'est ça quoi. Donc moi j'ai choisi Noisy Boys avec Jérémy Brochen, les Brochiennes pardon, les dés sont jetés. Et moi, j'ai choisi un morceau de Messed Up. C'est Il y a des Baudous. Ça veut dire I want. À noter que nous avons fait environ plus ou moins 5, parce que des fois, c'était un peu dilué dans d'autres thématiques, 5 émissions autour du Bélarus. On a dû vite arrêter parce que. Parce que c'était pas évident après. Ouais. Ouais, disons que vu la situation au Bélarus, c'est chaud en fait pour les gens de continuer à avoir des groupes. Et puis quand ils les ont, ils sont plus au Bélarus, ils sont en Pologne ou en C'est ça. Allemagne. Voilà. Et Voilà. Ou ils comme sont en prison aussi, il y a l'option prison au c'est ça. Bélarus, n'est-ce pas? Donc, Et comme il y en a qui vont en plus en prison et qui entre deux tôles, ils font de la merde avec les meufs, eh ben on peut plus passer leur groupe après. On est bien emmerdés. oui, voilà, ça c'est encore autre chose, n'est-ce pas? Hein? Donc un Mais groupe, bon. un grand classique qu'on a beaucoup joué aussi et qui du coup j'ai pas voulu choisir un morceau de ce groupe-là parce que ben étant donné ce que le chanteur, hein, c'est pas tous les membres du groupe évidemment qui sont impliqués dans cette histoire, mais le chanteur du groupe en fait a vraiment bien merdé dans la colle et honnêtement du coup qu'il aille se faire hein, voilà. Cuire le cul. Voilà, exactement. Qu'il aille se faire cuire le cul, c'est une très bonne ouais. Nous venons d'écouter donc pour le Belarus Noisy Boys et Messed Up. Et nous allons aller maintenant faire un tour du côté de la Bosnie. Bosnie, on n'a pas vraiment fait des émissions spéciales, mais on a quand même pas mal tourné autour des Balkans et de la Yougoslavie. Le morceau, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Major de Sarajevo. Le morceau s'appelle Alija, Radovan et Franjo. Donc c'est le morceau était enregistré en 91. Et pour vous resituer, Alija, Radovan et Franjo, c'est les présidents ou les représentants des trois factions qui ont déclenché la guerre de Bosnie. Donc Alija, c'est le musulman, Radovan, le serbe, et Franjo, c'était le président de la Croatie. Et l'album aurait dû sortir en 92, mais bon, c'était la merde. Du coup, il est sorti après la guerre. Et voilà pour Major de Bosnie. Et on va passer maintenant du côté de la Bulgarie. C'est un peu une des nouveautés de cette saison, la Bulgarie, puisque c'était surtout cette année qu'on en a passé un. Oui, vu qu'on a pratiquement plus fait de Russie, étant donné la situation et le nombre de groupes qui sont partis bien en sucette, hein, en plus. On s'est tourné vers d'autres horizons et ça a été en plus plutôt bien heureux on a C'est clair. découvert des groupes bien cool, Salvateur, ouais. quoi. Carrément. Entre autres, Beat of Terror, qui est devenu un de nos petits groupes chouchous, C'est si je clair. peux dire ça. Et le morceau qu'on va jouer de Beat of Terror, c'est Niepokorine, qui veut dire désobéissant, disobedience en anglais. Et le deuxième morceau, ça sera du groupe Razbrat Hypokvara, qui veut dire débauche et dépravation. Et le morceau, c'est Ktiesmienie, qui veut dire où sommes-nous? Et voilà pour la Bulgarie avec Beat of Terror et Razbrat et Pokvara. Nous allons passer maintenant du côté de la Croatie. Il y a eu deux émissions spéciales en Croatie. C'était autour de la ville de Pula, avec notamment ce groupe phare des années 80 dans la scène yougoslave qui est Problemi avec le morceau éponyme. Et ensuite, on va écouter un morceau beaucoup plus récent d'un groupe de hoï qui s'appelle BKD et qui s'appelle Balkan Boy. Thank you. voilà pour la Croatie et Problemi et BKD. Nous allons maintenant dans les États baltes. Ouais, un petit tour en Estonie et du coup avec le groupe Conflict Hockey et le morceau Te Brasse. C'était l'Estonie avec Conflict Hockey. Et toute nouveauté, là, d'ailleurs, des playlists à l'OSK Nouveau. Maintenant, on va passer en ex-RDA. Ouais, c'était notre petit bond dans le temps. Du coup, on en a fait deux spéciales, quoi, qui, bah, j'espère, ont bien plu. Il y avait quand même pas mal d'anecdotes très sympathiques, n'est-ce pas? Ouais, puis des bons morceaux, je trouve. Vraiment, c'était assez surprenant parce que ça ressemble pas du tout à. Au punk allemand de l'Ouest, je trouve. Ça Ouais, bah. a une identité bien propre. Mais ouais, du coup, bon, bah, comme d'habitude, hein, difficile de faire des choix, mais donc j'ai sélectionné Die Strohsäcke avec Panic, Punk und Anarchie et Paranoia avec Kochschützer. So, was Sie kennen, das Stück. Das hörte er am liebsten. finir notre voyage du côté du pays de la Stasi avec Daesh Trosaque et Paranoia. C'est ça? C'est ça. Dis-je trop à queue. Dis-je Trosaque, pardon. Ah Ah là là. là Allez. là. Allons du côté du pays de Staline et de Yegov, la Géorgie. Donc oui, la Géorgie, on en a fait, on a Une. fait une mission. Je vous avoue que c'est parce que franchement, j'en ai bien chié déjà pour trouver des groupes et de la zik de là-bas. Pas évident. Tu m'étonnes totalement. Et alors, je ne maîtrise pas leur alphabet du tout, donc je ne vais pas me lancer. Voilà. Le morceau qu'on va vous jouer, c'est Minda Davtri, et avec le titre Love Song. Et voilà pour la Géorgie avec Minda Datri. On va passer encore dans une nouveauté de cette saison à l'Ouest Renvo, c'est la Hongrie. Quelque part, je sais pas si sans avoir l'obligation de faire un tri au niveau biélorusse et russe, ça nous a pas donné un coup de fouet quand même. Ouais, un petit kick, tu veux dire, pour aller. Ouais, une Mais la sorte. Hongrie, il me semble que l'année dernière, on en avait déjà fait, hein, quand même. Oui, mais je veux dire, Ouais. ce que je dis nouveauté, c'est après, ouais, c'est vrai, je me suis mal exprimé. C'est fin saison d'avant et début de cette saison-là, quoi. Ouais, En bah, de toute façon, la 2022. saison d'avant, on était déjà un peu dans le bordel, hein, Ouais, donc, oui, c'est ouais. ça. Mais ouais. Ben alors ouais, la Hongrie, bah c'est pareil, on verra. De toute façon, c'est tellement le why partout, quoi. Ça veut pas dire que le gouvernement hongrois ou Ah non, polonais non, non, non, non. soit fantastique, hein, n'est-ce pas? Loin de là. Mais bon, pour l'instant, voilà, les choses sont ce qu'elles sont. Alors les groupes là que j'ai choisis, de toute façon, c'est des groupes quand même qui remontent à un petit bout de temps. Le premier, c'est QSS avec le titre Propaganda. Et le deuxième, CPG avec le titre Serbe. Et on n'eut que des grosses armes en propagande qui faisait meilleure figure d'une cabane, la croix sous d'autres c'est peut-être. Et avant en propagande, on fait l'investir mes vestes. Non, c'est pas bon comme dans mon œil, y'a plus de circuits même qu'elle. Et on n'eut que des corps d'invente en propagande qui faisait la dernière figure d'une grosse cabane. Raccroche une autre, c'est le cas. Même des suspects, que le plus mal. Même des mecs, qui restent là. Et voilà pour ce petit passage du côté de la Hongrie avec QSS et CPG. Et nous allons maintenant écouter un morceau du Kosovo qu'on avait passé il y a très longtemps avec Ed, et ça permet de lui faire une petite dédicace parce qu'elle a participé quand même à l'élaboration et l'animation de quelques émissions, surtout la première année et une ou deux cette année. Donc c'est un morceau en albanais qui s'appelle l'India. C'est une reprise de comptine albanaise, et le morceau qu'il a repris, c'est QEV. Thank you. Kosovo, QEV. Allons maintenant, retournons maintenant dans les États baltes. Voilà, on fait des allers-retours un Ah, peu. l'Orient Express. Ouais. Ouais, là, pour la peine. Du coup, ouais, d'abord la Lettonie avec One Voice. Alors, il y a plein de groupes qui s'appellent One Voice. Celui-là, c'est le Letton. Le morceau, c'est Lack of Respect. Et le deuxième groupe, ça sera PND avec Partaugava, qui veut dire reposer. C'était la Lettonie avec One Voice et PND. Et nous allons maintenant aller du côté de la Lituanie, où nous n'avons même pas placé un groupe de Toro, un morceau de Toro Bravo. C'est vrai, ça, dis donc. Hein voilà, bah écoute, on n'a pas fait dans le classique, du coup, pour la Trop, Lituanie. trop des rebelles. ouais, bah, voilà, comme d'hab. Du coup, j'ai mis un morceau de Wasted Bullets, Teisėjas B. Mantyjos. J'avoue que je ne connais pas du tout la prononciation des lituaniens, donc ne m'en veuillez pas si j'ai massacré le truc. De toute façon, c'est la Et. fête, on s'en fout là, on est centième. La Ben, c'est. prononciation, on s'en tape. Les... Enfin, De toute non, quand façon, même pas. non, je rigole. La traduction, bah, ils avaient qu'à écouter les 100 autres. Voilà. Disons qu'en plus, l'air de rien, bon, on papote un petit peu, mais vu le nombre de morceaux qu'on veut jouer, en fait, on ne peut pas trop se permettre non plus Ah, c'est clair. de trop bavasser. Donc, on essaye de... on essaye d'y aller, là, un petit peu en mode paf, paf, paf. Donc, je reviens à mes moutons. Et le deuxième groupe de Lituanie, donc, ça sera Nedvarkoï avec Reiteris. Nous étions du côté de la Lituanie avec Wasted Bullets et Ned Varkoï. Et là, le On gros est morceau de là. cette émission, Eh oui. on va le couper en deux d'ailleurs parce que sinon ça va faire trop long, trop de morceaux. On va aller du côté de la Pologne forcément. La Pologne, c'est quasiment une émission sur quatre. C'est notre destination fétiche, C'est hein, ça. aussi un pays qui produit quand même beaucoup de groupes et de musique, donc forcément. Et puis aussi autour de la Pologne, on a interviewé des groupes, Ouais. Sbires, Analogues notamment. On a interviewé des personnes qui ont écrit des livres, Voilà, Martha. Martha. Et il y a eu aussi les playlists de Fakir qui animent le label Enigmatic Records. Ouais, et qui donc fait partie du groupe Casse-Tête. C'est ça. Ouais. Oh, ouais. Non, Pardon? non, c'est parce que j'étais en train de me dire, ah, encore un groupe qu'on aurait pu mettre. Et, ah bah oui, moi de toute façon là, si on part comme ça, hein, de toute façon, comme je disais, là, après on remet tout, et on en a pour on passe de la musique pour toute la semaine sur Broogies, là, je C'est crois. clair. Et on Allez, commence avec de la vieillerie ou pas? Je sais plus, un chaos. Kaisu. oh oui, KSU, c'est en effet très vieux, hein. C'est considéré comme un des premiers groupes punk de Pologne. Alors, vu que les dates précises sont quand même assez difficiles à obtenir, puis bon, honnêtement, enfin, voilà quoi, dans n'importe quel pays, pour dire vraiment le tout premier Bye groupe, bye. un peu chaud, quoi. Mais en effet, ouais, c'est vraiment un des tout premiers, quoi. Donc, fin des années 70, j'ai plus l'année exacte maintenant là, en tête, mais voilà. Et alors, j'ai choisi un morceau dont je vais vraiment en chier pour prononcer le titre, puisque c'est des chiffres. Je dois vous dire 1944 en polonais. Attention, Vas-y, je suis assis, je t'écoute. Allez. Franchement, voilà. Bien, ouais. V. Donc, je pense que j'ai un petit peu merdé sur le 900. J'espère que les gens ne m'en voudront pas trop. Et donc, ça veut dire 1944 dans les tranchées. Et le morceau qui va suivre, ce sera Ramses and the Hooligans et le Ah morceau oui. Controller. Voilà, Ramsès, quoi, je veux dire. Ah. Ouais. Complètement. Une émission spéciale d'ailleurs pour finir l'année dernière. Oui, bah d'ailleurs, pareil, hein, avec beaucoup de données et d'anecdotes venant de Martha. Ouais. Sur le groupe, quoi. Ouais. Wieczny wrog, rozkaz pan, rzucasz granat, on już jest bez nóg. Miał 20 lat jak ty i chciał rzucić też. Ty dostaniesz wielki order, z niego tryska krew. Rozkaz, rozkaz, idziemy ze śpiewem. Rozkaz, rozkaz, a sztandar powiewa nasz. Deszcze nie spokojne, potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę lat. Deszcze niespokojne, potargały sad, a my na tej wojnie ładnych parę. 5, twój numer to 1125. Et voilà pour cette première partie de la Pologne avec Kaisu et Ramses and the Hooligan. Et on va aller maintenant du côté de Tchétchène. Ouais, avec des analogues. Pareil, de nouveau, un grand classique, n'est-ce pas? Et le titre Radio Rosé qui veut dire voiture de police. Et alors, je crois qu'elles ont très chaud, les voitures de police. Ouais. Et ensuite, on va écouter une reprise d'Analogues, c'est par Sbire, c'est le morceau, c'est Era Techno. Alors voilà pour la Pologne, nous avons écouté Analog, Sbire, Ramses and the Hooligan et KSU. Et on va pas aller très loin puisqu'on va aller du côté de la République tchèque. Ouais. Bon, pareil quand même, là on reste dans les classiques. Donc avec un morceau de Cross Chesh, Ritiri Pravde, a priori qui voudront dire chevalier de la vérité. Bon, des fois les traductions après, évidemment, ça a toujours une, ça sonne toujours un peu bizarre. Mmh. Ah ouais, ouais. Le deuxième titre qu'on va jouer, ce sera du groupe Last Strike et le titre c'est Me Yes Me Skinheads, qui veut dire nous sommes des skinheads. Na kolena, víra, pravdu a pevně budeš stát. že my dva nepatříme do stejné společnosti. Mezi námi bude vždycky zeď. C'était Last Strike et Cross Sech pour la République tchèque. Et on va aller maintenant en Roumanie. On a fait deux émissions sur la Roumanie. La République tchèque, c'était 4 plutôt. Ouais. Alors, Roumanie, oui, ça, c'est, par contre, on a, c'était aussi une nouveauté de ouais. Cette saison qui vient de s'écouler, hein, en effet. C'était bien cool, d'ailleurs, les playlists roumaines. Hein. Ouais, quand même. Ouais. Et bah, du coup, j'ai choisi Gourani avec le titre Lupta, qui veut dire combat, et un classique aussi de Roumanie, Scandale, avec le titre Tattoos. It seems it's only news when there's violence, even when the great majority of the protesters are peaceful. In contrast, the violence of the economic policies they are protesting about is seldom used. The police and the government orchestrated a propaganda campaign.

C'était la Roumanie avec Guarani et Scandale. Ah! Ah, Ah! ah, C'est le moment. ah, le moment fatidique. C'est le moment de parler Russie. On a fait 13 épisodes, Russie, et si vous voulez, dans les tout premiers épisodes de Allo est-ce rien nouveau, vous avez une rétrospective du punk rock, du rock'n'roll russe. À la fin de l'URSS, voilà. Ouais, Et du coup, donc la Russie, bah oui, comme on disait, on n'en fait plus trop parce que bah, c'est super galère de déterminer si les groupes sont à peu près clean par rapport à ce qui est opposition qu'ils prennent, quoi. Ces derniers temps, en fait, justement, il y a plein de trucs qui sont sortis sur plein de groupes où des fois on a eu quand même des sales surprises, hein, franchement. ouais, c'est clair. Ça faisait bien mal au cul, quoi. Donc, bah, ouais. Alors, Kino, bah, c'est un groupe qui n'existe plus. Et forcément, on peut. Enfin, voilà, quoi. Bénéfice du doute. Ouais. Non, surtout que, bon, Victor Tsoï, bon, mais il est mort. Donc, forcément, il risque certainement pas de donner son opinion. Mais bon, a priori, c'était quand même quelqu'un très. Plutôt dans le pacifisme, tu vois. Donc, bon. Donc voilà, Kino avec Mama Anarchia et le deuxième groupe que j'ai choisi. Alors, on peut pas faire plus clair à quel point ils sont vraiment très très anti-Poutine et toute sa politique fasciste et impérialiste. C'est Criminal State avec le titre Nienawist i Wojna, qui veut donc dire haine et guerre. Voilà. Donc D'ailleurs, oui. Criminal Tête, on avait fait un entretien avec eux. On a oui bah en fait je l'avais fait par écrit Oui. parce que bah ils galéraient un petit peu quand même À l'été dernier, d'ailleurs, avec c'était. la langue voilà donc je l'avais fait une interview par écrit et on l'avait lu après à l'antenne quoi C'est voilà ça. Et ouais. ils vont bien? T'as des nouvelles? Écoute aux dernières nouvelles ils sont toujours exilés hein, Hmm? bah, parce que sinon clairement ils seraient soit morts soit en prison en Russie donc ils n'ont pas eu vraiment le choix Mmh. hein. voilà leur position était tellement claire. Et je pense qu'en fait, ils n'ont pas eu ce truc de se dire, ah, on va se faire oublier, on va plus rien dire. Je crois qu'ils n'ont pas eu envie, en fait. Donc bah voilà. Du coup, conséquence, bah ils sont toujours, ouais, voilà, en exil. Et de ce que je sais, écoute, ça va. Voilà, ils s'en sortent, quoi, comme ils C'est le peuvent. principal. Écoute, on va dire ça, hein. Шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама анархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Ouais, voilà, nous avons fait notre petit tour en Russie avec Kino et le morceau Mama Anarchia et Criminal State et Nienawist i Wojna, haine Ouais, et et guerre. on n'oublie pas en fait tous les activistes là-bas, les vrais activistes qui sont en prison et qui risquent leur vie en fait pour s'exprimer quoi. Et qui se battent, enfin y en a même qui se battent vraiment, hein, qui font du sabotage et machin et bla. Donc voilà, un gros bravo à eux. Courage, force et courage. Allez, on va aller maintenant du côté de la Serbie, et plutôt la Serbie époque yougoslave, puisqu'on va écouter TV Moroni avec le morceau Padanoc, et ensuite on va écouter un gros hit du punk new wave yougoslave, c'est Električni Orgasam, et le morceau c'est Igra Rock'n'Roll Cela Yugoslavia. Jouer du rock and roll autour, enfin dans toute la Yougoslavie. Spavali u parku, čudite se kada nekome čampion odbaci družba, umiru jarku. Papu jartu maku, pada noć. Papu jartu maku, pada noć. Papu jartu maku, pada noć. Papu je tužnik, pada noć. Nice. Et voilà pour la Serbie et ses deux monuments, TV Moroni et Električni Orgazam. Allez, la Slovaquie maintenant. Allez, la Slovaquie. Alors, j'ai choisi un morceau que je trouve assez sympa, en fait, qui me met toujours un peu le sourire. C'est un morceau de Sansula et ça s'appelle Grof Dracula, donc le comte Dracula, quoi. Et alors, le deuxième morceau, c'est de Munitia, avec un titre éponyme, donc Munitia. Et j'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de faire une interview de ce groupe parce que je veux vraiment les interroger sur leur concept de Oi Crust, quand même. Tu m'étonnes. La base. Grave. To je oj, policija, to C'était la Slovaquie avec Sensura et Munitia, qui font du Oi Krust. Souvent, on confond ces deux pays. Maintenant, c'est le tour de la Slovénie. Avec deux morceaux, toujours, c'est que personnellement, je les adore. C'est Stuffy Dogs avec le morceau Nocna Chronica, Chronique Nocturne. Et une des plus grosses découvertes pour moi en préparant les émissions sur les Balkans, c'était Bulldoggi et Panica. C'est les années 80 à Ljubljana. C'est du street punk bien strict, bien strict. Pisane, Et voilà pour Stuffy Dogs et Bulldoggy. Et on va terminer. J'ai envie de dire, l'ordre alphabétique fait bien les choses. Bah oui, on termine avec bah, l'Ukraine. Parfait. Il existe Voilà. encore. Et malheureusement, bah, on est loin d'en avoir fini, je crains bien. J'avais espéré que les autres tarés, là, ils s'entretuent pendant un bon moment, histoire que ça foute le bordel et que l'Ukraine puisse faire une belle contre-offensive avec pas grand monde en face et que ça puisse avancer rapidement. Mais bon, malheureusement, non, ça n'a pas duré assez longtemps, cette histoire-là. Donc. C'est vrai qu'on avait même pensé repousser un peu la date d'enregistrement au Ouais. cas où il se passe des trucs intéressants. Bon, et finalement, hier soir, on s'est dit, bah, ça ne sert plus à rien. Hein. Bah, On va faire ça après, demain. honnêtement, va savoir. Hein, Oui, on ne sait jamais, on ne sait jamais. ça se Mais trouve, là, dans bon. la semaine, il va de nouveau se passer un truc hallucinant, tu vois. Ouais, mais on ne pourra pas agir parce que madame part en Pologne. Ah bah, écoute. Ah, voilà quoi. Hein. Après l'effort, le Ah, réconfort. si tu m'étonnes. Je vais aller bouffer mes pierogies. Ah, bien raison. Na. Et on va écouter Tchios, c'est ça? Ah bah, hey, ça aussi, Ouais, c'est un de nos groupes chouchous, hein. Grave. découverte aussi, hein, pas de cette année, mais de l'année dernière en tout cas. On Ouais, n'avait pas ouais. beaucoup écouté. Chose, franchement, ouais, bon, dès que j'ai découvert ce groupe, voilà quoi, c'était en Ouais. mode ouais, trop cool. Alors, le morceau, c'est Rock Against Rack de Chios. Ensuite, on écoutera un morceau, genre juste qui défonce tout. C'est de Def Pill. Et le morceau s'appelle Rastsa Rapayou Yebalo. Qui, si je me rappelle bien, veut dire je te déchire le visage, quoi. Дальше уйдет мне. Comme avec la Pologne, on a besoin de faire deux parties pour l'Ukraine. Donc là, on a écouté la première partie, c'était Chose et Death Pill. Et on va passer à la deuxième avec. Ouais, avec Road Riot et le morceau Crew, c'est aussi un très bon groupe, hein. Et donc, je te laisse présenter le dernier. Le dernier, c'est Bezlad avec le morceau Kharkiv Hardcore Skins. Ouais, dont j'ai fait l'interview aussi quand ils ont joué à Strasbourg, Tout puisqu'ils à avaient fait. été miraculeusement autorisés à faire une tournée en fait. Our friends now withdrew from the streets. Snakes and politicians with a heat. Oi! Know your enemy, realize. See every day the spirit dies of flight. You must often understand and spread. Make some changes in your head. Oi! And courts and politicians, ministers and television, prosecutors, bureaucrats, all these can be come from us. Our friends are with you from the streets, snakes and politicians with a heat. Oi! Et voilà, C'est sur du Bezlad et du Rude Riot que se termine ce 100e épisode de À l'Ouest d'un Nouveau. Que dire, hein? Que dire maintenant? Que dire? Je sais pas, ça laisse tout chose. Ah oui, hein? Ça fait tout drôle. Et ben, on se retrouve l'année prochaine. Bah ouais, carrément. On se retrouve pour le mois de septembre, quoi, pour à la rentrée. Pour le 101e. Et ben voilà. Hein. À bientôt. Merci à toi, Souris, pour la préparation et les différentes co-animations tout le long de cette belle aventure humaine qui est, qui est à l'Ouest qu'un nouveau. Ouais, on est trop émotif, quoi. Avec les trémolos dans la voix. Franchement, voilà, j'espère que tout le monde a eu autant de plaisir à partager toute cette musique là tous ces 100 épisodes. Et puis, moi, je continue à espérer que sur notre prochaine saison, les choses iront mieux pour beaucoup de pays, et en particulier pour l'Ukraine. Et puis, voilà, hein, c'est pas interdit de rêver, n'est-ce pas? C'est pas interdit de rêver. Allez, restez à l'écoute de Droogies Radio, car la voix de la Hoy ne s'éteint pas. Salut. Salut tout le monde et bonnes vacances. Et voilà.